c'est le rêve de mes vacances. La mer, le slow et toi, c'est la plage, l'amour et la danse. Du soleil, un beau ciel bleu, un coin de plage pour nous deux, un lit de sable chaud, ma peau contre ta peau. On ne se parlera pas et l'on ne bougera pas les yeux au fond des yeux. L'infini pour nous deux. La mer, le slow et toi, c'est le rêve de mes vacances. La mer, le slow et toi, c'est la plage, l'amour et la danse. Nos corps gorgés de soleil, cœur, amour et merveille, iront se rafraîchir dans l'arrêt du plaisir. D'un bas au clair de lune, d'une course sur les dunes, un orchestre lointain chantera ses refrains.